de Lyon, le jour se lève. Moi j'ai pas fini mon rêve. Café noir, douche glacée, difficile de se réveiller. Ça me tient comme une fièvre, ce goût de toi sur mes lèvres. Et je pense à toi encore une fois. Vite l'ascenseur, la voiture, ça démarre à toute allure. La radio joue des chansons, je suis coincé à la nation. 8h15, fin novembre, pourquoi on vit pas ensemble? Et je pense à toi, encore une fois. Le bureau, les secrétaires, les affreux et les affaires. Ce téléphone merveilleux, vous avez Berlin sur la 2. C'est jamais toi qui m'appelle, enfidersé mademoiselle. Et je pense à toi, encore une fois. Réunion pour une campagne, on lance un nouveau champagne. Je n'ai pas lu de dossier, marketing et publicité. Et à propos de champagne, ça me donne des idées. Et je pense à toi, encore une fois. Déjeuner avec la presse, explication en vitesse. J'ai le cœur, la tête ailleurs, il n'est pas tout à fait 15h. Où es-tu dans cette ville? J'adore quand tu te maquilles. Je pense à toi, encore une fois. Et puis j'arrive à mon étage. Tu m'as laissé un message, un numéro pour t'appeler, qui sonne toujours occupé. On m'appelle sur d'autres lignes, je te rappelle, impossible, j'ai besoin de toi, encore une fois. Quelque part, je t'imagine, devant ces murs de vitrine, on s'est donné rendez-vous. Est-ce que tu te souviendras où, ce café de Montparnasse, 19h, comme le temps passe, j'ai envie de toi, encore une fois. Je suis un peu en avance devant mon whisky d'urgence. Tu viendras pas, je me raconte n'importe quoi. Allez barman, la même chose, je fredonne la vigne en rose. Je suis dans un état, encore une fois. Et puis d'un coup tu arrives, tout d'un coup c'est bon de vivre. C'est bien ton corps que je touche, c'est bien ton visage, ta bouche. Que le jour s'achève, que je continue mon rêve. J'en peux plus de toi, encore une fois. Et le temps cavale, c'est la poursuite infernale. Les fourmis et les cigales ne voient plus passer les saisons. C'est demain la fin du monde, mais puisqu'on est seul au monde, on en refera.